من المعرض أيضا يقول: شيخ في المعرض اسمه المعراوي يدعو للمظاهرات في المعرض ويسميها مظاهرات شرعية لما فيها من مطالب شرعية. والجواب: المعراوي معروف بأنه تكفيري ومن الخوارج. المعراوي ليس من علماء أهل السنة والجماعة، وإنما هو تكفيري خارجي، فعلى هذا هو يعتبر من أصحاب البدع والأهواء. وقول هذا بناء على المنهج الذي هو عليه، المنهج التكفيري الخارجي، والله المستعان. Ceci est une critique et une mise en garde claire faite par l'honorable Cheikh Mohaddith Mohamed Abdel Wahab Louisabi Hafidhahullah, et qui a pour objet le fameux Tekfiri du Maroc, Mohamed Ben Abdelrahman Al-Maghraoui. Après les mises en garde précédentes des savants tels que Cheikh Najmi, Cheikh Zayd Al-Madkhali, Cheikh Rabi' Ben Hadi, Cheikh Mohamed Ben Hadi, Cheikh Ubaid et beaucoup d'autres qu'il avait désignés comme innovateurs. Après la critique du savantissime Mohamed Ben Salih Al-Uthaymin, qui attesta que sa parole est celle d'un révolutionnaire, après que Cheikh Mokbil lui fit conseil de revenir de tout ce qui était rassemblé dans l'épître intitulée Hujjat al-Rawi ala Qutbiyyat al-Maghrawi, comme nous pouvons lire cette position de Cheikh Mokbil dans le livre Al-Rihla al-Akhira li Imam Jazeera. Et après beaucoup de critiques de maintes savants, l'homme continue sur le même trajet de l'innovation, de la bid'a. Et pour preuve, sa position dès le début des manifestations au Maroc, où il se rapprocha de ses frères Khawarij et Takfiriyin, tels que Abslam Yassin, chef du groupe égaré de l'Adl wal-Ihsan. El Maghraoui fit l'éloge même du mouvement du 20 février, mouvement composé d'homosexuels, de laïcs, de libéraux, de féministes, de l'Adl wal-Ihsan et d'autres. Alors El Maghraoui qualifia ce mouvement de béni. Je cite: Harakat 20 février, Haraka Mubaraka. Le mouvement 20 février est un mouvement béni. Fin de citation. El Maghraoui appela donc aux manifestations au Maroc, conformément à son minhaj de Khawarij. Iyadan billah. La question. Ceci est une autre question provenant du Maroc. Il demande: il est un cheikh au Maroc qui s'appelle El Maghraoui. Il appelle aux manifestations dans le Maroc et il les appelle des manifestations légitimes pour ce qu'elles contiennent comme requêtes légitimes. La réponse du cheikh Mohamed Louisabi Hafidhahullah: El Maghraoui est connu comme étant un tekfiri et compte parmi les Khawarij. Al-Maghraoui n'est pas un savant de Al-Sunna wal-Jama'a. C'est plutôt un Tekfiri Khariji. Pour cela, il est classé parmi les gens d'innovation et de passion. Et sa parole ici émane de son minhaj, de sa voix, qui est le minhaj Tekfiri Khariji. Wallah al-Musta'an. À Allah, nous demandons de l'aide.